Toujours en Corée du Sud, l'action populaire extraordinaire pour la démission du pouvoir de Bakounet, le secrétaire général de l'Alliance civile pour l'économie et la justice, le co-administrateur général de la solidarité des citadins pour une société démocratique de Corée du Sud et autres personnalités de différents milieux ont critiqué catégoriquement le troisième entretien de Bakounet adressé à la population qui a profané de nouveau la population. La direction du mouvement de Daesun pour la démission de Bakounet a tenu une conférence de presse devant le siège du Parti pour un nouveau monde pour la ville de Daesun contre le troisième entretien de Bakounet. Par ailleurs, le 29 novembre, des partis de l'opposition sud-coréen comme le Parti démocrate de Bulo ont critiqué vertement l'entretien de Bakounet et les presses sud-coréennes comme le journal Pyongyang Simun et la radio CBS ont dévoilé les 29 et 30 novembre l'entretien de Bakounet comme complot politique pour éviter sa crise et prolonger son mandat.